Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous retrouverons Frédéric Bouchard pour la chronique sur les scientifiques méconnus d'hier à aujourd'hui. Des scientifiques qui ont laissé leur marque dans leur domaine respectif, mais qui sont malheureusement restés dans l'anonymat, du moins pour le grand public. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu nous fais découvrir un certain Alexandre Friedman et aussi Georges Lemaître. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, ou en tout cas si peu? Ben pourquoi, ouais. Peut-être tout d'abord une question de langue. Friedman a publié ses travaux, lui, surtout en allemand et en russe, alors que les œuvres de Georges Lemaître étaient pour la plupart en français. Hein. Il était belge. Et puis aussi, Friedman est mort prématurément à l'âge de 37 ans, avant que les observations astronomiques ne confirment ses calculs. Alors que Lemaître, lui, était un homme d'église, hein, un chanoine catholique, ce qui a peut-être contribué à diminuer sa crédibilité auprès de la communauté scientifique. Malgré tout, ces deux scientifiques-là peuvent être considérés comme les pères de la théorie du Big Bang. Donc, dans le club très sélect des grands physiciens et astronomes, ils s'inscrivent dans la lignée des Copernic, Galilée, Newton ou Einstein même. Donc, des noms bien connus, ceux-là, mais par contre, les deux personnes que tu nous présentes le sont beaucoup moins. Alors, si tu nous les présentais justement, ces deux personnages, donc commençons par le russe Friedman. Alors, dans le coin droit, mettons, Alexandrovitch Friedman, qui est né à Saint-Pétersbourg en 1888, deux parents, tous les deux artistes, hein, un père danseur de ballet et une mère pianiste. Élève doué, il obtient en 1910 son diplôme de l'Université de Saint-Pétersbourg dans la spécialité physique-mathématique. Et entre 1914 et 1916, il va participer à la Première Guerre mondiale en effectuant des missions à bord d'avions militaires de l'armée russe à titre d'expert en balistique et en technique de bombardement. Et donc, après la guerre, il va être professeur à l'université de Petrograd, parce que Saint-Pétersbourg vient de changer de nom. Il enseigne la physique et les mathématiques, et c'est au cours de cette période-là qu'il va découvrir la théorie de la relativité générale d'Einstein et qui va en comprendre finalement la portée pour l'étude de l'origine et du fonctionnement de l'univers. En 1925, il est nommé directeur de l'Institut géophysique de Leningrad, parce que, encore une fois, le nom de Saint-Pétersbourg avait changé l'année d'avant, en 1924. Et Friedman meurt subitement, à 37 ans, à Leningrad, en septembre 1925, d'une fièvre typhoïde. Donc voilà pour le russe Friedman. Et donc le deuxième, c'est le belge Georges Lemaître. Et lui, est-ce qu'il était contemporain de Friedman? Presque. Il était un tout petit peu plus jeune, né à Charleroi, en Belgique, donc 6 ans après Friedman, donc en 1894, la naissance de Lemaître, d'une famille bourgeoise assez prospère. Il est d'abord éduqué par les jésuites, en bon catholique. Puis, à l'âge de 17 ans, il va entrer à l'Université catholique de Louvain pour des études d'ingénieur. Et lui aussi, à partir de 1914, il va être impliqué dans la Première Guerre mondiale, où il va s'illustrer dans l'artillerie et même obtenir une des distinctions militaires les plus prestigieuses en Belgique, qu'on appelle la Croix de guerre. Alors, revenu en 1919 à l'université après la Première Guerre mondiale, il change d'orientation et passe de l'ingénierie aux sciences beaucoup plus abstraites de la physique et des mathématiques. Parallèlement à ça, il va préparer un mémoire sur la relativité d'Einstein, Einstein, pour un concours de bourse de voyage du gouvernement belge. Et c'est une bourse qu'il va obtenir en 1923 qui va lui permettre d'aller étudier l'astrophysique à l'étranger. Alors, il ne va pas aller n'importe où, il va passer du temps à Cambridge en Angleterre, aux États-Unis, où il va fréquenter les prestigieuses institutions de Harvard et du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Et revenu, donc il revient après ça en 1925 en Belgique, il va quand même faire quelques voyages aux États-Unis où il va même avoir la chance de rencontrer Einstein à quelques reprises. Et il meurt en 1966 après une longue carrière scientifique et religieuse, il faut le dire, un cas plutôt unique pour l'époque. D'accord, donc là on a vu que bon, ils ont côtoyé de très près la relativité relative d'Einstein par exemple, mais qu'est-ce que Friedman et Lemaître ont accompli pour mériter le titre de père du Big Bang? Ouais, c'est deux scientifiques qui avaient plusieurs choses en commun, dont tout d'abord une connaissance assez fine, assez détaillée de la théorie de la relativité d'Einstein, comme on vient d'ailleurs de l'évoquer dans leur biographie. Donc, la relativité générale avait été formulée par notre Albert Einstein au début du 20e siècle, entre 1907 et 1915. Et sans entrer dans les détails mathématiques, disons que c'est une véritable révolution en physique qui englobe et même qui supplante la théorie de la gravitation universelle de Newton. Donc, selon la relativité générale, la gravitation n'est pas seulement une force dans la nature, mais c'est carrément la manifestation de la courbure de l'espace-temps provoquée par les objets très, très massifs comme les étoiles géantes. Alors, pour faire une analogie, là, imaginons une nappe tendue aux quatre coins, donc on tiendrait entre nous deux. Là, et si on fait rouler une petite bille d'un bout à l'autre de la nappe en passant par le milieu, elle va avoir une trajectoire en ligne droite, plus ou moins. Ça, c'est la physique classique. Maintenant, si on pose un objet assez pesant au milieu de la nappe, par exemple une boule de pétanque, hein, la nappe va être déformée et puis la bille, donc, elle ne va pas traverser en ligne droite, mais elle va faire une trajectoire légèrement courbe à travers la nappe. C'est le concept de relativité d'Einstein. La courbure de l'espace-temps déforme la trajectoire des ondes, en particulier la propagation de la lumière. D'accord, mais quel est mais le lien avec l'origine de l'univers et le fameux Big Bang? On y arrive, patience. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, car là, Friedman et Lemaître en sont venus finalement à contredire Einstein sur un aspect de sa théorie. Einstein ne pouvait pas accepter que l'univers soit autre chose que statique, c'est-à-dire sans réel commencement ni une vraie fin, avec un volume fixe dans le temps. Il va même introduire ce qu'on appelle une constante cosmologique à la fin de sa vie, donc pour faire en sorte que les équations de la relativité générale fonctionnent avec un univers clos et statique. Mais en manipulant les équations d'Einstein, Friedman va constater qu'elles permettent la description d'un univers qui évolue dans le temps, dont le volume n'est pas fixe. Il introduit donc pour la première fois l'idée d'un univers en expansion, un univers qui a donc eu un commencement, qui a eu une naissance. Ce qui ne fait vraiment pas l'affaire d'Einstein, avec qui d'ailleurs il va entrer en conflit par lettres interposées durant plusieurs années. D'ailleurs, Friedman va essayer de rencontrer Einstein dans les années qui suivent sans succès. Mais, or, des découvertes subséquentes vont donner raison à Friedman sur l'expansion de l'univers. Donc, et son estimation de l'âge de l'univers, de l'ordre de la dizaine de milliards d'années, était d'ailleurs remarquablement visionnaire pour l'époque. On aura une bonne idée de l'âge de l'univers, qu'on pense être aujourd'hui à environ 14 milliards d'années, que plusieurs décennies plus tard. Donc, il était pas mal en avance sur son temps. Effectivement. Et le maître, lui, donc, quelle a été sa contribution au Big Bang? Ben alors, si Friedman, lui, a proposé l'idée de l'expansion de l'univers, on peut dire que le maître a été le premier à remonter le temps pour proposer un modèle de naissance de l'univers. Donc, le raisonnement de le maître est en fait le prolongement logique des travaux de Friedman. Si l'univers est aujourd'hui en expansion, dans le passé, il a dû être beaucoup plus dense, beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint en volume. Donc, un jour lointain, l'univers a donc été condensé en un très petit volume que le maître va nommer l'atome primitif, dont l'évolution, les fractionnements successifs l'ont façonné tel qu'il est aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, l'idée de l'atome primitif, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Exactement. Et l'ironie là-dedans, c'est que l'expression « Big Bang » va être formulé bien des années plus tard, dans les années 60, par un astrophysicien britannique qui ne croyait pas du tout à cette hypothèse-là lui-même à l'époque et qui voulait simplement la tourner en ridicule. Mais l'expression Big Bang va... C'est resté dans les esprits. Avouons que c'est quand même plus concis et percutant que, j'ouvre les guillemets, un univers homogène de masse constante et de rayons croissants rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques, fermées les guillemets, qui était le titre de l'ouvrage phare de Georges Lemaître sur le sujet. Effectivement. Bon, tout de même, on peut dire que Alexandre Friedman et Georges Lemaître, chacun à leur façon, ont provoqué une refonte de la physique fondamentale il y a finalement presque un siècle. Oui, puis ce qui est quand même aussi remarquable, c'est qu'ils ont osé aller à l'encontre d'Einstein, de l'univers fixe que voulait Einstein. Ça prenait quand même du cran. Exactement. Ben merci Frédéric. Ça fait plaisir.